Amis auditeurs, amis auditrans, amis auditrices, bonjour. Nouvelle satirique très courte par David Myriam. Les deux amoureux se bécotent sur les marches en béton. Devant eux s'étale dans la nuit le petit lac cerné d'arbres bruissants. Des lumières bleues et rouges scintillent à la surface de l'onde. Entre deux bouchées de frites grasses et trop salées, ils se disent des « je t'aime » de cinéma. Leur langue récurée par le soda trop sucré se touche maladroitement à l'intérieur de leur bouche aux dents déjà bien abîmées. L'eau noire du lac clapote doucement contre le mur au rythme du dernier tube pop diffusé par le haut-parleur situé au-dessus de leur tête. Elle est chargée de bouteilles en plastique, de canettes vides, d'emballages multicolores, de poissons crevés par asphyxie, et des canards obèses ayant abusé du pain industriel chis dedans toute la journée. Les deux amoureux coiffés d'oreilles de Mickey sont aux anges, ravis de s'offrir une belle orgie de consommation dans un grand temple du rêve en boîte. L'ennui, c'est qu'ils sont des millions comme eux, et en plus ils se reproduisent. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.